Les belles rencontres. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Anne Bergeron, artiste peintre. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un grand artiste du bois demeurant à Dordwell. Il se nomme Léger Robert, un sculpteur travaillant le bois avec un doigté rempli d'émotivité. Il a participé à des symposiums, notamment à Dordwell, et fait aussi partie du Salon des métiers d'art de l'Estrie. Bonjour Léger. Bonjour. Tu es un véritable artisan du bois. Comment cette belle passion-là est apparue? Est-ce que c'est depuis l'enfance, l'adolescence? Est-ce que tu as eu un mentor? Comment c'est arrivé? C'est arrivé assez drôlement. C'est lors d'un voyage à Saint-Jean-Port-Joli. À Saint-Jean-Port-Joli? À Saint-Jean-Port-Joli, donc, avec mon épouse. Dans les années, début des années 80, ou sont les 18-80. Et puis là où il y a tellement de sculpteurs, ça m'a accaparé beaucoup. Puis j'ai décidé de peut-être essayer. Essayer de sculpter? De sculpter. OK. Vu que je travaillais déjà le bois, mon père avait travaillé le bois. Mon père n'était pas sculpteur, mais mon grand-père, Robert, avait fait des sculptures. Ah oui! Il s'était fait des couteaux avec des vieilles limes, des morceaux de métal. Puis tu l'as connu, ton grand-père? Oui, j'ai connu. Ça. Oui, je l'ai connu. Il était vieux, il avait 93 ans quand il est décédé. Et puis, moi, j'étais jeune. Mais lui, il avait fait des colombes pour mettre après la maison. Il avait sculpté un poisson comme pour mettre sur la cabane à l'eau qu'il appelait, là où il était le puits pour l'eau de la maison, oui, c'est ça. Ah c'est beau. Donc, Fait que lui, il travaillait-tu le bois, ton grand-père? Il travaillait le bois. En plus, puis de la sculpture qu'il faisait. Il faisait ces sculptures-là. Fait que j'ai dit peut-être que j'ai un talent de sculpteur caché. Donc, j'ai été voir un sculpteur, là, à Saint-Jean-Port-Joli, qui m'a donné des conseils en disant, la première chose, il faut que tu aies des couteaux qui sont très coupant, très tranchant. Puis il dit, la meilleure façon, c'est de les faire, de les affiler toi-même. Ah oui. Donc, il dit, il faut que tu te procures ce qu'il faut pour affiler les couteaux. Pour que tu sois autonome aussi. Pour être autonome. Puis, donc, c'est ce que j'ai fait là. À part une conversation, tout simplement? Oui. Ah! Oui. J'ai, chez nous, quand je suis revenu, je me suis fabriqué deux couteaux avec des couteaux de planeur. Et puis, j'ai commencé comme ça. J'ai fait une petite fleur, une petite tête de vierge. Et puis, mais comme de raison, là, on se pense sculpteur. Donc, j'ai commencé à faire... je me suis dessiné un quin de bûcheron. Ah, oui! J'ai commencé à sculpter un quin de bûcheron. Sur un panneau de bois? Sur un panneau, oui. Qui ferait une murale. Mais ça n'a pas marché parce que j'étais pas assez habitué, donc je l'ai mis de côté. Elle est encore dans le fond de mon atelier à terre, je ne l'ai jamais fini, parce que réellement, les arbres étaient suspendus au-dessus des bûcherons, ça n'avait pas marché, j'étais pas assez habitué. Non. Je suis revenu à la base, puis tranquillement, j'ai appris moi-même à sculpter. J'ai jamais suivi de cours d'un professeur. T'es autodidacte? Oui, c'est ça qui me permet de dire, j'ai mes propres façons de faire, j'ai mon propre style, autrement dit. Oui, tu as développé ta propre signature, si on peut c'est dire. C'est ça, oui. Donc, c'est un peu le début de ta sculpture. Oui, de la sculpture. Puis, donc, avant, si tu avais déjà des couteaux et tout ça, tu faisais du bois, tu étais ébéniste déjà? Oui, j'ai suivi un cours d'ébéniste à l'École du meuble de Victoriaville. Ah oui. Et puis, j'ai toujours travaillé dans des usines où on fabriquait des meubles. Au début, c'était des cercueils ici. Oui, oui. Et puis, ici à Dordwell. Oui, à Dordwell. Fait que tu as toujours travaillé le bois depuis le début de Oui. Depuis l'adolescence? Depuis toujours. Depuis que j'étais jeune, qu'on allait dans l'atelier de mon père, puis on se faisait une charrue pour mettre en avant d'un traîneau, puis des choses comme ça. Ouais. Puis là, ben c'est ça, ton père, c'était son métier. Ouais. Fait que toi, tu as aimé ça, c'est devenu ta passion. C'est ça. Puis pour performer, tu es allé suivre un cours des ministères. C'est ça. OK. Ah, ouais. Ben c'est... Donc, le bois, pour toi, n'a pas de secret du tout. Non, pas réellement de secret, ni même les essences de bois de notre pays, je les connais comme il faut. Mm-hmm. J'ai même une collection de petits canards, de différents essences de bois. J'ai 27 petits canards avec un essence de bois différent. Ah oui! C'est une collection que je me suis commencé à me monter, mais il y a beaucoup d'autres essences qui pourraient être faites encore. Mais là, ces essences-là, tu les as découvertes au fur et à mesure? Oui. Est-ce que c'est facile à trouver des essences de bois? C'est facile, dépendant de ce qu'on va faire un meuble avec ou si on va faire une sculpture. Si je fais une sculpture en vinaigrier, un meuble en vinaigrier, ça ne sera pas un gros meuble parce que un vinaigrier, ça ne devient pas si énorme. C'est vrai, c'est tout. Donc, c'est pas un gros tronc. Mais si je veux faire un meuble en érable, ben là, j'ai du bois pour, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que selon la sorte de bois, c'est spécifique aussi à ce que tu fais. C'est ça. OK. Ouais. Est-ce que c'est pas difficile à trouver parce que les essences, parce que 27, c'est beaucoup. Là. 27, c'est beaucoup. À toutes les expositions que j'ai faites, comme au métier d'art, quand on fait l'exposition à l'automne des métiers d'art, je raconte mon histoire. Là, monsieur me dit, j'ai une telle sorte d'essence chez nous, est-ce que tu l'as? Puis souvent, c'est comme ça que tu fais du monde m'en envoie, m'en donne, je vais le chercher. Tu communiques avec les gens, surtout ouais. dans quand tu fais des kiosques. Ouais. Puis t'échanges, puis là, ben. Puis souvent, mais quand je suis un chasseur, donc quand je vais à la chasse, je me promène dans le bois, je guette pas strictement le gibier. Mm-hmm. Souvent, je vais voir un arbre comme l'érable coty. Mm-hmm. C'est très beau, c'est marbré, c'est très beau. Donc, je vais voir un érable qui est tombé à terre. Ah oui. Je vais prendre une branche, je vais faire quelque chose avec. Mm-hmm. Ouais. Ça veut dire que tu connais pas mal toutes les arbres aussi, tu as étudié les arbres. Oui. Tu peux les reconnaître avec les feuilles et tout ça. Oui, oui. Ah, ben ça, c'est merveilleux. Mm-hmm. Fait que dans tes sujets d'inspiration, dans ta sculpture, on voit beaucoup d'oiseaux, tels des canards, des coqs. C'est plutôt figuratif. Mais est-ce que tu es inspiré des fois par d'autres sujets qui seraient symboliques? Ça arrive, oui. Ou des choses que je vois avec une pièce de bois que je vais sortir, une épave que je vais prendre sur le bord de la rivière. Oui. Je vois dedans Tu vois déjà une forme okay, que je vais commencer à travailler. Ça ne veut pas dire que ça va toujours rester la même forme, mais je commence à sculpter dedans, puis ça devient une tête d'aigle, ou ça va être un coq, ou ça va être un visage humain. Ben oui, ça veut dire que c'est le bois qui te parle. C'est comme ça que tu peux arriver à faire des choses. Oui. Donc, c'est pas nécessairement avec un plan, quand tu as un morceau de bois, tu ne fais pas nécessairement un plan, y vas directement. J'y vais comme ça. Oui. J'y vais intuitivement. Spontanément, oui. Oui. Ouais. Et puis, dépendant du grain du bois, comme je dis, ben des fois, ça nous donne une forme. Je vois, les grains de bois vont faire des plumes d'oiseaux. Ou des choses comme ça. Mm-hmm. Fait que, comme là, il y a une sculpture que tu as faite, mais les sujets sont apparus au fur et à mesure. Ça, c'est une autre chose. Ouais, que tu crées au fur et à mesure que tu le fais. J'y vois comme ma licorne, justement, que j'ai fait. J'ai fait ma licorne, mais ma licorne est au centre de ma sculpture. Mm-hmm. Cette année-là, on avait affaire c'était les villages culturels dans le temps. Oh, ouais. C'est beau. Et puis, le projet, c'était de faire la vie et la mort. Ah, oh, OK. Donc, j'avais un côté positif qui était en haut de ma licorne, puis en bas de la licorne, c'était des choses négatives. Mm-hmm. Ce que j'ai... Ok, peut-être travaillé. Au fur et à mesure, je m'en allais, je faisais... Mm-hmm. Je composais avec mon bois, mais aussi, plus que je allais en haut, plus c'était positif. Donc, le haut, c'était la lumière, le gros soleil. Puis... Mm-hmm. Ah, c'est ça, c'est beau. Ça, c'était, c'est... Donc, tu adores faire la sculpture, ouais, inventer, ouais, des choses comme ouais, ça. Ouais. Ouais. Quand je fais la sculpture, tu te reposes et... psychiquement, si je peux dire, je ne sais pas, il y a un autre mot pour ça, mais... Tu te reposes l'esprit. Tu te reposes l'esprit, tu te mets une musique tranquille, tu es tout seul dans ton atelier, mm-hmm, donc... T'oublies le temps. C'est un peu, c'est comme un recueillement aussi. C'est ça. Oui, je comprends. Là, la création, ça vient. Oui. Puis tu vis avec ton œuvre. À ce moment-là, ça vient, la création. Comme quand tu te réveilles à 3 heures du matin, puis tu viens de réaliser un projet, tu viens de donner une réponse à une question que ça fait longtemps que tu te posais. Là, le lendemain, tu vas dans ton atelier, puis tu commences tout de suite... Avec à le réaliser. Ah, mais c'est quand bien. Tu commences quelque chose, normalement, on le finit. Oui, oui, parce que c'est, sinon, c'est ça que tu fais, toi? C'est ça. OK. Dans mon étau ou sur ma planche de sculpture, j'ai toujours quelque chose de commencé. Mm-hmm. Puis quand tu as 10 minutes ou une demi-heure, ben, on travaille dessus. Tu vis avec aussi? Oui. Parce que là, tu es toujours là. Oui, oui. Fait que tu l'as donc, fait, à toutes les fois, je passe à côté. C'est ça, ouais, puis je me dis, ah oui, c'est vrai. Puis selon différents angles aussi. C'est mm-hmm, ça. Ah, ben c'est beau. Mm. Tu es un vrai sculpteur dans l'âme. À suivre.